Et Dieu nous aide. Il dit ceci. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 beignets ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Philippe a dit ceci. Kwanga na denali kama mi bale ikoko kapo na bangote et te moto na moto azwa ndambo moke. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Moko na baye kolinaye andeleya ne kona Simon na petelo. Alobi na ete, mwana mobali ajali awa oyo ajali na mikate mitano na loso na loso pe mbisi mibale. Kasi yango ejali nini kati na bato mingi boye. Il vivait vraiment en communion. Le Seigneur n'avait pas posé la question à André. La question était posée à Philippe. Mais André a entendu. André a entendu. Les autres qui étaient proches ont entendu. Philippe s'est débrouillé. Philippe s'est débrouillé. Il a montré ses limites. On a descendu hier. Nous allons nous faire aller à Badinali. Ce sera la honte de Jésus. Et que la sonne, tout le monde va en parler. Au moins, il va tomber à Bantiria, Yeswana. Ma kamosa l'ikuna. Aïe, n'a pas pour moi, comme il tu vas parler l'ikuna, donc, ma skile est tangi. Ah. Alors, André dit, là où mon frère s'est arrêté. Et pas, il va finir pour n'a souki. Je peux ajouter aussi mon idée. La koko bati salikan de finanga. Sans rien rassurer. Parce que Zanga kope sa elita de Tinga et le monde. Mon frère est un assureur. Et pas, il va finir pour n'a la kikin de l'onaye. Je ne veux pas donner l'impression que moi j'ai pris des fois que mon frère. La kota li saite n'a l'aile qu'on dit ma mico le kanye. Nous connaissons. Pour la émission, on a dit ce pays de son bas. Que nos paroles devant lui soient peu nombreux. Malouban a dit ce le bosson aille à la moquée. Ne disons pas n'importe quoi. André, vous serez venu avec un jeune garçon qui possède la 2 poissons et 3 pains et 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Pour vous amener chez vous. Même disponibilité de provision. Un jeune homme ici. Il n'est pas un apôtre ni un disciple. Un jeune homme. Il était dans le groupe. Il n'est pas un groupe. Il n'est pas un groupe. Tout ce que j'ai, c'est ici. 5 pains et 2 poissons. Mais il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bateau. Il y a 200 deniers. Il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bateau. Il n'y a pas un bateau. Qu'est-ce que ça va faire? Devant les gens. Ça va nini n'a pas un bateau. Mais tout le monde, même parce que c'est ce qu'il y a. Êtes-vous là? Vous allez voir, présentez au Seigneur votre situation. Vous allez voir, le lien la vérité. La vérité, il fera les miracles. Vous allez voir, ne commencez pas à vous lamenter. Vous allez voir, il est là, présentez-lui ce qui est. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À Dieu, par des prières, par des supplications. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites-lui connaître vos besoins. Pour mesurer vos besoins, à partir de ce que vous possédez, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous manquez. Mais ce que vous avez dit, tu n'as toujours rien. Il t'a jamais béni. Je ne te donne pas assez. Et d'ailleurs, tout. Maintenant, tu veux qu'il pourvoie à tes besoins comment? Tu ne peux même pas évaluer tes vrais besoins. Mais regarde ce que tu as. Et maintenant, ce qui manque. Il est le créateur. Tu peux faire comme Abraham. Tu peux faire comme Abraham. Quand Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils, il a regardé dans ses troupeaux, il avait des béliers, il avait des troupeaux, mais Dieu ne lui avait pas demandé de choisir une tête. Dans il a dit son fils, et Abraham a crié Dieu au mot. Il a pris l'enfant, il est allé lui donner fidélité. Bosembo. Tu ne peux pas proposer au Seigneur une solution meilleure. Celui qui éprouve notre foi. Quels que soient les problèmes, nous nous attendons à lui et nous présentons lui ce qui est possible. À partir de ce qu'il a déjà fait. Ils l'ont fait. Abraham est allé et Dieu l'a surpris agréablement. Et Dieu va créer là-bas en brousse sur la montagne. Au mont Moridia, il crée un bélier. Dites-moi, est-ce qu'Abraham manquait de bélier? Pour en donner à Dieu autant, même une centaine, même un millier. Il en avait à la maison. Mais Dieu, quand il veut éprouver notre foi, il les amène par un chemin. Pour voir si tu vas obéir mot à mot. Abraham n'a pas dit, bon, on prend un peu un bélier ici. Abraham le dit, on va changer. Au moment où il a changé, il a dit, na testa qui on a l'égalité, et na moana, à ta yo moko, est-ce que c'est un moana? Zamba za so bate, makambo lo baka ezaka serie. Donc, à l'obi, pour ce qu'on a bon. Amen. Attends, on a la stupide, ça fait, malobanane yango. Amen. Pour une anno, pour tous. Le reste, que lui agisse. Qu'il conduit. Abraham a tout laissé. Abraham a tout laissé. Le prédicateur, quelle est la preuve de ce que vous dites? C'est la question d'Isaac, non? Isaac, quand il était en route en train de partir. Pour aller offrir à l'Éternel Isaac. L'enfant a posé la question à son père. Papa, je vois les bois, je transporte. Je vois le poteau, mais où est le sacrifice que nous allons donner à l'Éternel? Itona. C'est ton fils, ton unique. Sur lequel Dieu a fait des promesses. Et qu'est-ce qui tu vas lui répondre? Atatouni motuna. Azan Emon. Yone papa. Peseya. Abraham n'a pas trouvé mieux. Quelque chose lui a été inspiré là. Certainement il n'y avait pas pensé. Banza kina yango kutuke. Zambe kuna malobalobi. Épreuve. Bako mananzela. Maloba motuna ya mwana. Épreuve yatika. Avant que tu ne sois béni. Dieu te fera passer par une série d'épreuves. Mais sois fidèle à chaque poste. Dans chaque gare. À chaque escale. Sois fidèle à Dieu. Où est le sacrifice? Abraham trouve une inspiration. Abraham a vu copier mon fils. Le Seigneur pourvoit. Il savait que c'est lui l'enfant. Mais s'il disait que c'est toi. Nous devons être sages, hein. Mais tu tombes les gars, mais moi là. Moi, là, manqué papa. Oui, papa. Il dit, vous papa. Mais l'enfant allait signer son père, peut-être. Dit, quoi, quel plan, quel projet vraiment. Voilà, mon on va éclairer, c'est que on va rentrer, on va faire un tout. Il a dit, l'Éternel. Pourvoir. Et c'est là que le nom de Jéhovah Jireh est venu. Wana komona Jéhovah le utaki. Yo lelo okomiko tanango pamba pamba na mabonde lina yo. Ozobeta batour na salon. Bambe Jéhovah Jireh. Ozobeta makolo. Ce n'était pas facile. Il a dit PTT. Pour arriver à cette identité là. Wana kokoma na lelo kotali samana. Wana dalaki tumba monene. À la fin de laquelle il y a une victoire. Nasuka yango ilonga ezalaki. Un nouveau a été publié. Kombo ya sika ebimaki. Un nouveau titre. Et bien que ya sika ya Nzambe mosikoli. Jéhovah Jireh. Jéhovah lile. Et quand ils sont arrivés là-bas. Tango bakomi kuna. Bien qu'il avait déjà dit à l'enfant. Atarabia kimona ete. L'Éternel pourvoira. Kolwa kobongisa. Ils sont arrivés au lieu. Bakomi ya sika. Dieu dans sa foi les convainc que c'est ici. Nzambe akondimana ya lobitele maizali awa. Fais ce que je t'ai demandé. Sala ona sengio. Et si nous avons moana, nous n'avons pas demandé rien. Nous avons demandé quoi? Nous avons demandé rien. Nous sommes ici pour demander. Nous avons demandé quoi pour voir? Ah Seigneur, pourquoi tu es venu là? Et ils ont fait la sorgue. Il n'y a rien. Il n'y a rien donc. C'est la totalité. Je veux les aiguiller. Comme des fois la foi arrive à bout. Mais ne perds jamais l'espérance. Il viendra à l'heure la plus fatidique. Là où l'espérance est interdite, il est le créateur de l'espérance. Il peut la ressusciter. C'est vrai. Amen. Il a pris la mort dans l'âme. Il a pris les cordes. Il a ligoté. L'enfant comme un agneau mioué. Le Seigneur qui écrivait d'avance le sacrifice de Golgotha. Il a annoncé par image la mort de lui. De cette manière, comme une brebis muette, de force de la sorte, et que l'Esprit de Dieu a maîtrisé cet enfant. Il ne s'est pas agité, il n'a pas crié. Il ne s'est pas agité. Quel est ce fait? Un humain. Moto. Non, Dieu sait contrôler les choses. Plus que pour calculer les choses. Dieu sait mieux gérer les choses. Plus que vos émotions. Il a ligoté. Soulevez l'enfant. Étalez sur le bûcher. Attendez le colon et si vous avez fait sans décor. Toujours rien. Aucun signe. Même pas ici. Oh, attends-moi, il vient à moi, il vient à moi, il vient. Rien. Même pas au Hénègle, voltige là. Il a un. Tout était silencieux. Et bien, c'est fini. Ici, lui. Prends les couteaux. Vas-y, Béli. Je te serai fidèle. C'est toi qui me l'as donné. Maintenant, tu me l'aides, moi. Je ne peux pas te le refuser. Je vais te le sacrifier. C'est historique. C'est définitif. Soulève le couteau. Décision. Mokano. Moi, je n'ai pas de. Oh, ce qui va s'imbi dans mon tout sous, au tombeau dans tous les sens. Mais yo m'a connu ce qu'il faut pour maïr. Ton propre enfant, ton sang. Non. Il faut que la foi entre dans le surnaturel. Ouais. Naturellement parlant, vous risquez de jeter le couteau et fuir. Comme ça, yo m'a connu qui paye, ou ça m'a connu un autre. Bon, n'a roya, on va dans la suite, car il va venir. Voyez frère, il faut entrer dans la dimension surnaturelle. L'homme est un être surnaturel. Moto, agali moto, il faut que le surnaturel soit actionné. Et le surnaturel, c'est l'esprit que Dieu a placé en toi. Il peut créer, peut faire des inventions, il peut trouver de nouvelles solutions, il peut contrôler le physique, combiner le naturel, maîtriser les émotions. L'esprit de l'homme. Molimo na moto. Peut faire plus que la chair. Et le cosala colle quand on veut cosala. Au-delà des limites du corps. Voilà la bande de l'autre. Molimo toki. L'esprit de l'homme. Molimo na moto. La Bible est une lampe de l'éternel. Ezali mwinda oya Yahweh. Molimo ezakati na yo. Ezaka mwinda ya Yahweh. Amen. Dieu peut prendre cette lumière pour t'éclairer toi-même. Et cosa pole wana pona kombe di sa moko. Soumets-les à Dieu. Que Dieu en soit l'utilisateur. Et tu verras ce qu'il va rien. L'esprit de l'homme dit le problème. Et une lampe de l'éternel. Abraham a dû monter là. Abraham a buté qui est au Moussanda. Il était que la chair. Je vous dis que la chair ne pouvait rien faire. La logique des autres, c'est que vous avez un scandale. Soulevez. A tomboli. Par la foi. Et c'est ça que Paul a écrit aux Hébreux. On a parlé à combien de baies belles. C'est par la foi. Ils ont un zélé à condima. Non pas par la chair. Ils étaient un zélé à Zoto. Non pas par son corps. Un zélé à Zoto n'a été. Non pas par ses ancêtres. Un zélé à Koko n'a été. Dis au nom de ses ancêtres. À combien de Koko n'a été. Dis au nom de ses parents. À combien de Babou n'a été. Mais c'est par la foi. Ils ont un zélé à condima. Qu'Abraham offrit Isaac. Abraham a fait Isaac. Le Coran Beka. Par la foi. Il a dû entrer dans le monde de la foi. Sortir de la chair. Aller dans la sphère de la foi. L'obéissance vaut mieux que le temps. L'obéissance à Dieu est la priorité des priorités. Là, on ne verra ni autorité au sommet, ni un criminel qui nous menace, mais nous croyons que ce que Dieu demande, et nous sommes prêts à le faire, quelles que soient les conséquences. Que ce genre de force soit en toi. Tu seras béni comme Abraham et Galates 3:9. Afin que tous ceux qui ont la foi d'Abraham soient bénis comme Abraham le croyait. Est-ce que je ne vous entends pas pour vous? Amen. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Bah, oui, bon, le Père est le surnaturel. Ils allaient faire la carte les cinq sens du corps. Ils allaient le sentiment du corps. Pour ne voir que Dieu est l'obéissance. Écoutez sa voix. Pratiquez son évangile. Pratiquez sa parole. Et on sera couronné. Amen. Il faut une foi de ce genre. Et c'est lui qui dit à l'olenge wana. Et l'opère en toi. Quand elle est la carte là. Mais dis-moi ça été. C'est comme je l'ai dit. Afin que tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Tu vas pas dire à Abraham. Sois béni avec Abraham. Papambolama et longona Abraham mundimi. Même foi, même avantage. Undi mamoko matomba bele moko. Même bénédiction. Undi mamoko matomboli moko. Même foi, même effort. Undi mamoko nimekano moko. Vous devez surmonter. Et c'est le bon sali kolo. Je vous dis que vous surmonterez. Le bête bino vous dit sali kolo nango. La parole qui le promet. Il a le vandela ki ango. Vous surmonterez tout cela. Vous sali kolo nango. Au moment où il a voulu juste ramener les pieds. Matanga, il a voulu que zone du tamatanga, le corona moana. Alors il voit. Alors qu'il m'engongo. Inattendu. De la part du Dieu immuable. Nous sommes en train de faire. Il a dit de façon inattendue. Alors que ça, la de manière inconcevable. Le personne de son intelligence. La petite tanga, pour là, il est intervenu en tuant. Wana yé, à côté de l'ombango, penta. Il a parlé comme quelqu'un qui était toujours là. Alors, il a parlé comme quelqu'un qui était toujours là. Mais qu'Abraham le voyait. Abraham a venu comme on a dit. Il lui prêtait sa foi. Supplie-le. Il va intervenir. Il t'exaucera. Il honorera sa foi. C'est vrai. Alléluia. J'aime la manière de Dieu. Il a appelé deux fois. Abraham, Abraham. Abraham. C'est le créateur. Le maître de l'univers. Dieu omniprésent. Compatisseur miséricordieux. Il nous comprend. Quand nous sommes en souci. Quel ami fidèle est-on? Il nous comprend. Bongo. Servis ton obéissance. Je veux que tu ne m'as pas laissé ton fils. Namoni est au bol, il n'a pas la naïveté. Ton unique. Oh, moi, pas le bélier aux alliés. Je veux. Namoni. Alors, je te bénirai. Le gars n'a pas pambo là. À l'infini. N'a pas zangandelo. Le col à caca y'a moko wana. Au pime linga y'a ngote. Au final, on m'a zaga ma cassité. Au dimina kobou misanios. Et l'ike à venir y'a famille na yo. N'a y pe sikawa. N'a pas pambo là yo n'delote. Amen. Il a fallu le faire, hein. C'est là qu'il faut faire, hein. Avec une telle promesse, c'était de rien. Ah, bah là, ma évêque, c'est la calolingue, les amis, c'est la calolingue, les pambolés, les lingues, les sénélés, quoi, les grandes bénédictions. mapamboli minene bien après vos victoires dans les épreuves et utakana sima bilonga na binya mimekano pour ça ne vous plaignez pas des épreuves ngana bilela la tena tena mimekano réjouissez-vous de passer par là donc c'est pela kolekana zela wana sachez qu'après les épreuves tena sima na ngo bénédiction pour pleuvoir mapamboli konoka et alors bongo je me dis regarde là-bas alors il est là kuna il y a ce qu'il faut. Il a honoré la foi d'Abraham. En présence de son fils. Na kuzala na mwana na yeye. Ndio bwade leso hilo. Ndio kuzala na nzambo kuipa yangu. Na usite susie. Kabo yako mitindika. Ndio ndio passe ce stade. Ulikia jiki ndio ndio. Ubosa ni kutu. Ndio n'oublie rien. Ngama bosa na zileko kutu. Ile compatissant. Ya zaliwa zali kwa kwa soma. Azana bokie mimi na watu zali kuyoka. Et il va résoudre cette situation. Apo sawa hapo pesa yana nalikamonyoso. Etape par étape. Teni moko sima mususu. D'abord, va donner. Ndio sio kenda kwa pesa. Donne ce sacrifice. Pesa mikawana. Abraham etale. Abraham tenda plus qu'étonné. D'où viendrait un tel bélier? Il y avait plein de serpents. Les serpents pouvaient les manger. Branham répond, Dieu est le créateur. C'est le créateur qui a créé ce bélier. Il ne vivait pas dans ce désert. Mais à l'instant, le créateur de l'univers, Mokeli Molongo, qui a parlé de l'audition, alors, il a créé un bélier pour Abraham. Il le pourvoira aussi pour lui. Et les décrets qui ont été créés dans la vie de Abraham étaient pour aller décorer une maison. Et là, pour le contexte, c'est quoi? Nini ndele ko lobe akina nini? Akina viande. Akina ko kamusuni. Ole. Nini nanda ko uzoma musini bana bali. Ah tambolo kuna amon azwe le côté. Dans le naturel. Alors Dieu. OK. Là ben l'expérience. Zamba mimi alibiki. Pour voir son besoin alimentaire. Pour ko pesa bosanga ya. Na yule. Azwa ki ngote ko kutana mizo mize abomi yango. Azwi misudi atena mtu kazoki nanda ko batena nzuku bali. Voilà. Très bien. Amen. Et maintenant, vous me dites que c'est pour ça qu'il est devenu Dieu. Pour avoir commis Zambé. Donc, Bissende, oui, il a mis Wana. Et Zagine Moussouni, il a mis Wana. Il a Branham. Même pas à l'église, Branham Tabernacle. Mais sa petite famille. Il a mis Wana. Et puis, il a mis Wana. Il a mis Wana. Il a mis Wana. Il a mis Nazo ata musini moko te jande bukane ke batikali morso. Rien si le. Ici ya kokaka na na te. Na même un petit morceau à nous partager. Moko tena bandi ko na te ko na kokabula ko na te. Ko na te. Ils sont tous mangés seuls là-bas dans leur famille. Balia Kinoso, Libota Kuna. Donc maintenant il devient le créateur de l'univers. Ya komo kilimo ya molongo. Il ne faut pas faire la honte à ce niveau-là. Et Dieu nous aide ici. Damba son gabiso awa. Oyoka. Dieu a créé un bélier. Damba kila kingombe. Non pas pour qu'Abraham le mange. Mais c'était pour qu'il le donne un sacrifice. Il a dit pas ça ngona mbeka pa na zambe. C'était différent. Il a dit que c'est sana na bisende. Donc le besoin était autre. Wana bosenga zali mususu. Il est celui qui pourvoit à son besoin. Wana zali kukopi sana bosenga wa bino. Si Dieu l'a fait pour Branham. Ndao salaka mko na Branham. C'est pour prouver qu'il était son Jéhovah Jireh. Kuna faida zali Jéhovah Jireh. Branham n'a pas créé de lui-même. Ah, kiaji bisende na yemo kote. C'est sa propre initiative. Tuna kubandi sana likali na yemo kote. Il lui a ordonné d'abord. Zali nzambe na pesa kio mulongo. Il lui a ordonné de dire qui est. Alors Dieu te bisende zala, apese et au final, c'est son Dieu qui a créé. Et dans les âmes, il a en utilisant sa bouche. En utilisant ses paroles. Le créateur de mer Dieu. Le créateur des cieux de la terre. Le Lola, Dieu de Branham. Amen. Amen. Il a été dit. Il va m'acheter. Il est allé prendre le bélier. Abraham. Il a sacrifié. Et après l'avoir fait. Il a fait. L'Éternel l'appela encore du ciel. Ya, bien, ça, ou tana, lola, mbala, yami, quand Dieu est satisfait. Tango, zamba, c'est peli. Ici, quand on bat, on est le batté, on est au sein de la beauté, à son dos, pendant un temps, suspense, c'est du noir, tu ne vois pas clair. Le côté koya, vous allez comme on a mal à la main. On va vous faire venir. Souvenez les côtés. Amen. Il est un Dieu redoutable. Azali, zamba, à son mot, penda. Zamba, félicité. N'est-ce qu'on va venir à l'infini? Oh non! Il est revenu une seconde fois. C'est dit, je bénirai ta postérité. Et ta postérité Amen. Amen. C'est vrai. Quel bonheur de marcher voilà avec lui. Quel privilège de connaître ce Dieu. Dans le moment où il est plus extrême, vous ne manquerez jamais de secours. Il interviendra Akukota efficacement. Na makasi. Amen. C'est vrai. Dieu d'Abraham. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce qui s'est passé? Il a opéré le miracle de création. Et les gens l'ont reconnu comme le prophète. Là au verset 10. Jean chapitre 6. Jésus dit, faites-les asseoir. Parce que les solutions proposées par ses disciples étaient limitatives. Ils nous ont avoué leur incapacité en démontrant à partir de ce qu'ils possédaient, ce qu'ils ne pouvaient pas. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Vous y êtes. Yesu alobi eti, bofandi sabato, na esika yango matiti majalaki mingi, bofandi, motuya lokola babali koto mitano. Omoni asalaki. C'est après ça que le verset 11 de Jean 6. Yango molongo ya zomi na moko ya mokapo na motoba ya Yohani ezali kokota. Jésus prit le pain, rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Amen. Yesu akamati mikati, atondi, akaboli yango epai na bafandi. Cinq pains. Et il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulurent. Autant. Ils ont reçu chacun autant de poissons qu'il en voulait. Il y avait deux poissons. Mais quand il s'est mis à distribuer, après avoir rendu grâce, il a donné à chacun autant de poissons qu'il demandait. Je m'imagine que moi, si j'étais là, j'avais demandé 120. Le Seigneur, 1, 2, 3, 4, 120. Ok. Comment on a tout mis Zoa. 2. Azo bale. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nini le kiawa? On compte 5 corbeilles. Batangi wana mitunga mitano. Ramassez tout ce qui est tombé. Boloko tanyo so ici le kokoya. Les réactions en désordre. Kokela ma. Mais ce quoi il n'a kokoya? Ce quoi? Par le côté, pour que rien ne se perde. Oitemo ilo kote bunga. Frère Branham commente pour dire. Le Seigneur Dieu est contre le gaspillage. Amen. Kolo nzambe alinga kalibungi te. Kote bika biloko. Akelaki malinga kite ebeba. C'est vrai. Bah écrit wana il y a ma nyonso na la famille Branham. Amen. Na manger. C'est vrai. On ne perd rien. Kobungi c'est le côté. Zamba boy gaspillage. Amen. Kobwaka bilei, kobwaka musala kobwaka bilei, c'est pas un bossi. Wana zali le mamala mutu. Tu vas manquer. Mokolo musoko zanga yango. Tu vas regretter ce que tu avais jeté. Okoka pas na ya kobwa. Zana moko akokolia yango. Hein? Si toi pour toi c'est trop, on a eu le cri. Tu ne peux pas faire moto mususu. Amen. Il peut manger. Akokolia yango. Au lieu de gaspiller. Ça go bébé ça. Ramasser même tout ce qui. Bon côté à côté. C'est le côté bunga. Voilà, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit, celui-ci, il est vraiment le prophète. Dans Luc chapitre 7 que nous avons lu ici au début. Luc au chapitre 7, le verset 16, il venait de ressusciter un enfant. C'était le garçon, le fils de la veuve de Naïn. Un miracle de résurrection. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, verset 15 et 16, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mosusi afandaki mpe abandaki kosolola mpe apesaki ye na mama na ye. Bato nyonso bayokaki somo mpe bakumisaki Nzambe ete mosakoli monene abimi kati na biso mpe ete Nzambe ayei kotala bato na ye. Voyez-vous Jésus-Christ identifié comme prophète? Omoni Jésus-Christ akalisami lokola mosakoli. À deux reprises, Mala Mibale, Jean 6, verset 14, Yohane Motoba, Zomilamine, Luka, Sambo, verset Concorde, Yohane Mbale Zaliko Kokana, le peuple l'a identifié comme prophète. Ibota, Batalise Lokola Moussakoli. Vous aimez ça? Amen. Vous regardez maintenant ce que dit Frère Branham. Otala, on est comment Zaliko Lobawa. Dans les sermons, alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, il est reconnu. Prêché le 16 avril, Mokola, Zomina Motoba, Zomilamine, 16 avril 64. Paragraphe 162. De la Kotanga, Mokama, Tuku, Motoba, Namibale. En tant que prophète, il alla donc droit à la parole. Akindaki, Mbalamokona Liloba. Parlant de Jésus-Christ. Kolobakana Tina Jésus-Christ. Observons. Totala, en tant que prophète, il alla droit à la parole. Akindaki, Mbalamokona Liloba. Suivez. Bolanda. Dès qu'ils ont dit, Jésus de Nazareth était un prophète puissant, en œuvre devant Dieu et devant le peuple. Cela est écrit où? Et comment nous a-t-il? Qui peut dire? Et qui ont dit ça? Jésus-Christ de Nazareth était un prophète puissant. Jésus-Christ de Nazareth. En œuvre et en parole. Na misala, devant Dieu et le monde. Qui ont dit ça? Banani balobaki yango. Ça a fui. Okay, que Frère Branham ne cite pas là. Banama tangi, de la wana tito mais, kapwana, à partir du titre de la prédication, ça peut vous aider, non? À vous souvenir un peu de. Outa na, dans la na, Bible. Kati na Biblia. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils l'ont reconnu. Baibaki, qui était cela? Très bien. Le titre lui-même déjà. Il peut vous rappeler une histoire. Parce que notre message, ce n'est pas des fictions. Hein. Ce sont des vérités bibliques prêchées. C'est l'évangile de la Bible. Ce sont les deux disciples sur le chemin de Maus. Et le récit est dans quel livre? Livre de la Bible. Disciples sur le chemin de Maus. Même les enfants de l'Ekodim, personne ne sait. Atabana, Ekela Salomingo, Mokotaribi. Disciples sur le chemin de Maus, les débuts. Baye, Kolimi, Balé, Nanzela, Nemaus. Cléopas et son ami. Jusque-là, on a fouillé dans le message. Nous n'avons pas encore trouvé le nom de son ami. Parce que la Bible a donné le nom de Cléopas. Mais l'autre, il s'appelle comment? Bon. Biblia, et puis, comme moi, mon intuité. Pourquoi le Togo Zoa, Togo Betango? C'est très bien. C'est le malin. Mais son intuité, tu vois, il peut éviter. Son ami là, il s'appelle comment? On ne sait pas. Mais Cléopas, ça on connaît. On parle de la Bible. Oui, c'est Luc. Très bien. Très bien, Boaz. J'ai la mokanda à Luca. C'est Boaz. Wana, il a Boaz. Très bien. Tu as sauvé l'honneur de l'Ekodim. Wana, ou... Alors, madame, on a tiré le coup, ou il y a... J'habite combien maintenant? Luca. Mokaponini. Encore. Très bien encore, bon. Luka, tukumi balena mine. Donc, l'Ekodim vient d'avoir encore des points. Kila sinalomingo, ilongi lisusu. Ah. Et Dieu tenda mituya. L'Ekodim, c'est du bon travail. C'est très bon comme ça. Tu connais que c'est Luc chapitre 24. Luka, tukumi balena mine. Ce sont effectivement les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Zali ba kolmi balena zela n'Emmaüs. Qui ont déclaré ces choses-là. Pango balobaki makambwana. Nous faisons juste la pause ici dans la citation. Zali kopema mokeo. Y revenir. Pona kozonde lango. Et que Dieu nous aide là. Zindamba songa bifoana. À voir ce qu'il y a eu. Ya komona malamu ezalaki kuna. Il a dit. Bi. Luc chapitre 24. Luca, mon capatou, verset 19. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. alobaki na bango eti makambo nini bango nde balobaki na yeti makambo na tina na Yesu na Nasaleti oyo ajalaki mosakoli na nguya na misala pe na maloba na miso na Nzambe pe na miso na bato yonso. Voyez, je reviens maintenant à la citation. Moïse était un prophète puissant en parole et en œuvre. Vous vous rappelez, non? Vous allez commencer là. N'est-ce pas? Vous allez bongo. Oh, mais l'état est fini. Allez prendre le passage là. Nous risquons de déborder. Vous le savez, c'est écrit. Nous l'avons déjà prêché. C'est la beauté, hein, quoi. Ne m'exigez pas de nouvelles preuves. Na maloba et en œuvre, c'est quatre na misala. Devant Dieu, il bosse en Zambie. Et devant tout le peuple, il bosse na libota mobimba. Dans Jean 6 verset 14. Yohane Motoba, il a proclamé prophète. Le prophète. Ils allaient libota te libaya qui est dans les montagnes de Luka. Ambo Yohane Motoba, ils allaient bouler libota te. Maintenant dans Deutéronome 18. C'est Dieu qui l'a annoncé. Zambie alors qui n'attend naïe. C'est qualifiant de prophète. Luka qui était hier dans les montagnes. Ok. Yo. Alors, je vais un peu très vite pour terminer. Dès qu'ils ont dit, Jésus de Nazareth est un prophète puissant, en œuvre devant Dieu et devant le peuple, puisqu'il était un prophète identifié. Il est donc directement allé là, il a pris les paroles même qui montraient ce qu'il disait qu'il était. Quand ils ont fait ça, aussi dans Luc 24, il est allé droit à la parole et il a pris les paroles qui démontraient ce que eux là disaient que lui Jésus est. Quand nous retournons dans Luc 24, nous voyons ce qu'il dit ici. Verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Écoutez, il commença par Moïse. Moïse que nous avons lu dans Deutéronome. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. C'est cela. Et alors, qui n'a pas été Bino bozali bato na goigoi na mitema pona kondima makambo yonso malobaki basakoli ekokaki na Kristo koyoka mpasi oyo te kokota na nkembo na ye te pe abandaki na mikanda na mosi na basakoli yonso pe alimbolaki mpona bango makambo na ntina na ye mpe penza na kati na makomi yonso. Alors le commentaire de Frère Branham Kokoba. Puisqu'il était un prophète identifié, il est donc directement allé là, et il a pris les paroles même qui montraient ce qu'il disait qu'il était. Ne manquez pas ceci. Il a pris ce qu'eux disaient qu'il était. Et il a pris la parole écrite. Et il s'est identifié comme étant seul. Donc ce jour-là, avec les disciples, Jésus les a lui dit, le nom 18. Le verset 15 là que nous avons vu, Jésus les a cité aussi là. Et le verset 18 là, de Deutéronome, Jésus l'a cité en commençant par Moïse. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Jésus-Christ identifié comme un prophète biblique. Un prophète scripturaire. Identifié. Hier, on a dit, notre exhortation, c'était un vrai ministère, méconnu, ignoré, non reconnu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ identifié comme un prophète scripturaire, comme étant le prophète scripturaire. Le prophète biblique. On s'appelle la Bible. Et maintenant, quand son ministère doit se reproduire au temps de la parole, la même caractéristique doit revenir. Et l'homme en qui doit également être identifié comme étant un prophète biblique, comme étant un prophète scripturaire. La deuxième commission. Il dit. Il a pris la parole écrite. Et il s'est identifié comme étant cela. Et il ne comprenait toujours pas cela. Il ne comprenait pas cela. Cependant, ils l'ont appelé un prophète. Et il était là un prophète. Et il est directement allé à la parole. Et il a pris la parole. Et a identifié son propre ministère. Jésus l'a-t-il fait dans Luc 24? Et comme malgré des explications, il ne comprenait pas. C'est alors qu'à la fin, là, hein, il est écrit ceci. Au verset 45. Alors, Luc 24, verset 45. Alors, il les explications ne les ont pas aidées. Alors, au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Une fonction surnaturelle de l'homme. Elle peut faire de grandes choses. Mais laissez-la entre les mains de Dieu. Soumettez-les à Dieu. Que Dieu en soit l'utilisateur. Vous ferez de grands exploits. De grandes réalisations. De vraies réussites. Solo. Où que vous alliez, même à l'école, même à l'université, mettez votre esprit à Dieu. Distinguez-vous. Ne vous comprenez pas tout le monde. Dieu a fait de vous enfants de Dieu. Il a tracé le chemin de votre vie. Suivez l'évangile. Honorez le message. Que Dieu utilise votre esprit à Dieu. Et vous verrez les grandes réalités. Les grands succès vous accompagnent. L'honneur reviendra à nos cœurs. Lui aussi, il sait mieux s'occuper des choses. Vous voyez, frère, mais le Seigneur s'est identifié comme étant prophète scripturaire. Or, si on remonte au début de son ministère, dans Luc au chapitre 4, que nous avons eu à lire, vous voyez, le verset 22 là-bas, on est descendu. Là également, Jésus s'était déjà identifié d'une façon un peu parabolique. Comme prophète. Vous vous rappelez? Il commence par leur dire, après avoir dit, aujourd'hui cette parole, il leur dit, je sais que vous m'appliquerez ce que dit ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et que vous me direz aussi, accompli ici dans ta patrie, les choses que nous avons apprises, que tu avais accompli à Capernaum. Voyez les gens, jaloux des miracles. Ne reconnaissant sa patrie. Aïe, bani kati nambo kanaye. Mais bien à ça. Aïe, bani malamu kati nambo kanaye. En disant ça. Kolobaka bongo. Sans parler ouvertement de lui. Ozangaka kolobana polele na yemoko. Jésus parlait de lui. Yesu ane kolobana tina na ye. Et de ce que les esprits des gens pensent de lui. Na oyo milimu na pati jali ko banza na tina na ye. S'attendent avant de les reconnaître. Ola jali ko zela, et pa na yepo bandi ma ye. Il faut qu'il fasse ici, c'est qu'il avait pas Capernaum. C'est qu'il a sala, ah, sala du kuna. Aussi vraiment il est prophète. Donc jali pe kamo sa pole. Il est le Dieu de guérison. Jali ko ti anzambi ya lodi ko zoko. Mais qui se guérit, c'est lui-même. voyez Jésus. Notre âme dit qu'il a souffert de toutes les maladies présentes. Jésus était maladie. Tu y as pensé. Mais maintenant, le proverbe là, ça venait faire quoi? Il n'avait pas de maladie. Vous devez lui dire, mais c'est grippe. Homme des douleurs. Quel est le grand symptôme des maladies? Et tel c'est le nini, il y a... Même dans notre médecine jusqu'à aujourd'hui. Ah, ta... Les médecins naturalistes. Pour eux, toutes les maladies n'ont qu'une seule cause. C'est la constipation. C'est la première chose à faire quand vous avez un problème. Vous ils disent que toutes les maladies n'ont qu'une cause. Les naturalistes, ils forment une forme variée de nos médecins traduits praticiens. Ils allient le langage la médecine naturelle. Ils croient que c'est la nature qui doit guérir par les plantes, par les arbres, par l'eau, par la rivière, les cataplasmes et tout ça. Ils disent que toutes les maladies n'ont qu'une seule cause. Et ils disent, c'est la constipation. Première chose qu'il faut faire quand vous avez des allergies, soyez prudents d'abord. Il faut battre Batongola. Allez, le changement va venir. Et ensuite, disent qu'un seul symptôme, bah, toutes les maladies, c'est la fièvre. Et en développant la fièvre, il manque aussi de douleur. Mais Jésus-Christ était un homme de homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est la Bible qui le dit. Et il était ça. Mais il a apporté la guérison divine à des milliers de gens. Mais quant à lui-même, maladif. Maladif. Alors, toi, si tu prends ça, ça n'a pas fait. Mais il ne peut pas être Dieu. Avec ça, il ne peut pas être Dieu. Pourquoi nous sommes comme ça? Mais c'est toi, nous sommes tous ceux qui sont là. Nous sommes tous ceux. Mais il était ça. Pour dire que le don n'est pas pour soi. Pour côté, c'est pour les bénéficiaires qui doivent avoir. Si tu peux regarder au-delà de ces faiblesses visibles là, pour avoir un soin qui le peut te guérir. Même la femme à la peur intéressante a été guérie. En touchant un corps maladif. La foi. C'est dans le surnaturel. Et si vous ne vous limitez qu'au naturel, ce qui vous suivez, la répugnance, c'est le mépris. Wana oh non, regardez comment c'est minengai. Tant que ça sera bagal et tout. Il est coupé là, oh douleur à voir, oh mukongo lukongo et tout. Et si la cassé, yo mon enfant, tu as les bosseles là. Yeso yo bete rator wana. Homme des douleurs. Mais tu n'as pas su. Habitué à la souffrance. Mais ça n'a mitungi si. Pas si mon message n'en aille. Douleur, n'est-ce pas la gire. Nous alors, arrêtons de nos plaintes. Arrêtons les caprices inutiles. Amen. Tout ce qui est la chrétienté, pour tout, non seulement la fleur, rose, rose. Nous devons combattre. Nous devons marcher avec assurance dans la foi. Malgré toutes les épreuves, nous sommes vainqueurs. Nous sommes d'accord? D'accord avec l'évangile? Que Dieu bénisse ceci dans nous. Et nous aide à reconnaître ce Jésus-Christ-là. Le prophète. Le prophète promis. Le prophète scripturel. Identifié. Et maintenant, comme on disait mercredi, le ministère de Jésus-Christ est-il tellement identifié aujourd'hui par nous? Hein? Est-il tellement identifié? En ces jours-ci, comme il était lorsqu'il a prêché pour la première fois, en tant que prophète, son ministère-là est clairement identifié. Dans le ministère de Père Branham. Que son ministère pour l'épouse. Nous devons croire que c'est là. le refléter de mieux en mieux. Vous allez faire un mal en mal en colis. Il est reflété en faible mesure. Vous allez faire mina na cette pendant la moquer. En tant que prophète. Vous allez commencer à colis. Son ministère prophétique. Le tout monde est à colis. Il n'y a plus à attendre. Ils allaient poser la question. C'est de l'histoire. On est dans l'histoire. C'est accompli, c'est identifié. Pour tout ça, mina, vous allez faire mina. À travers la commission de William Branham. Envers mon salaire, William Branham. Était-il un prophète? Vous allez commencer à colis. Yo. Biblique. Ouais, Biblia. Hein? Yo. Même si lui-même n'a jamais dit qu'il était. Ataye moko alwa kite azali motakoli. Mais dans le discernement. Kazna liso soli. Nous l'avons dit et martelé. Tu vois quand on peut te péter qui fait un tournoi. Quand quelqu'un devait bénéficier. Dans mon sénat qui moto azwa lisungi ali liso soli. Atuna qui moto ya. Croyez-vous que je suis son prophète? Vous allez conduire moi ngai nous allons motakoli naé. Amen. C'est vrai. Dès que vous dites oui, alors la suite vient. Wana suka makambulandi. Et Dieu soit loué. Donc l'identification du ministère prophétique de Jésus-Christ. Oui, le tome où est-ce que tu le connais, mon sacré. Mais le ministère de l'épouse. Parce que le tome où est-ce que tu le pour qu'elle reproduise tout ce que Jésus fait. Pour qu'il y ait une zone de la gnosse, dans le ministère propre, il y a une. Dans le tome où est-ce que tu le connais, en nous, vous et moi. Dans l'église, dans le monde. Nous avons un peu de chemin. Voilà, tu as l'air de là. Reflétons-le de mieux en mieux. Identifions-nous davantage à lui. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous maintenant pour la prière. Je te lève pour la commande là. Enayo, numéro 55. Benenayo Zambé. Benenayo. De bon de minanga pene na yo soke soke passe eye e no kola bonge ba Oh. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions et te glorifions pour cette soirée agréable que tu nous as accordée dans ta grâce, pour que nous puissions méditer sur ces choses sacrées, l'identification du ministère de Jésus-Christ en tant que le prophète promis dans la Bible, prophète scripturaire. Il a créé en tant que prophète. Il a créé dans son ministère prophétique. Il a opéré des créations. Il a ressuscité les morts. Ce sont des grands miracles. Alors que Dieu était en lui. Père, merci. Ouvre les yeux de chacun pour qu'il puisse te reconnaître, t'identifier et se mettre à la bonne position par rapport à toi, Seigneur. Pardonne-nous toute erreur, toute négligence, toute mauvaise vie, Seigneur, pour nous en débarrasser, pour mener une vie agréable, une vie digne de son message, une vie digne de l'évangile, une vie qui t'honore, une vie qui t'adore à tout instant, car tu es Dieu, l'ange de la grâce. Révèle-toi chacun. Et ne nous laisse pas manquer le but de notre vie. Que chacun fasse sa bonne part. Exauce notre prière. Et garde tes enfants. Dans ces moments où nous allons le séparer. Garde chacun jusqu'à son domicile. En toute sécurité. Et dans la joie. Que la flamme de la parole allume nos cœurs et que nos esprits soient de vraies lampes de l'éternel utilisées par toi pour dépasser les limites de la chair, pour nous faire accéder aux besoins, aux choses qui nous manquent. Nous nous donnons à toi, nous nous soumettons, Seigneur, laisse-nous y arriver, laisse-nous y parvenir. Ce sera pour la gloire de ton nom. Les gens qui vont être célébrés, les lèvres du soleil, que cette parole trouve place dans nos cœurs, dans chaque auditeur, et que la vie qu'il y a dedans se manifeste et donne les que cette parole produise non seulement pour nous-mêmes mais pour les autres aussi car tu aimes ta parole non pas pour que nous soyons que des plaintifs des insatisfaits perpétuels que nous devenons des sources pour quelqu'un d'autre par lequel des solutions seront données et des témoignages seront multipliés. Réveille mon frère, réveille mon soeur. Fais-nous prendre conscience de ce que nous avons fait. Que chaque jour nous nous remettions en cause. Que nous assistons à monter plus au capable. Exercer la foi dans le surnaturel. Et que nous puissions nous distinguer des hommes purement naturels. Ils voient que la chair n'est limitée que par les limites de la chair. Fais-nous monter des grades, Seigneur. Car tu as dit que ceux qui connaîtront les résultats au temps de la faillite, ils feront des grandes choses. Laisse que cela pleuve en nous. Et dans les autres pleuves, dans notre soutien, fais-nous prendre toi, Seigneur. Pour que les bénédictions pleuvent. Et tu n'as pas au nom de Jésus Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et alors, que Dieu vous bénisse. La mère Pambola Bino.